TK, Maou, MAST, APHAZY, 9-2. C'est pas tout ce que j'ai en tête, moi. Lâche l'affaire, c'est complexe. J'ai trop de textes, donc trop d'exploits. Ma liberté d'expression, mon seul droit. Mon seul moyen de pression, garçon, que l'État aperçoit. Pas de choix, on vient percer. Quelques joints, je suis perché. Arrêtez le prochain hit de merde, c'est ma fierté. Injecter des thunes, les frères, et y aura du son. Le son numéro 1, on survit pas sans un rond, j'assume. On s'assomme un pilon comme en plume. J'donne le maximum de ma plume. J'conne pour que la clique décolle. Toc toc, c'est nous, boum. Un colis suspect, le gros vient de chez nous. Les chiens nous l'ont usurpé. 9-2-7 sans colombe, jean sur vêtements. Shit, ça c'est cacheton pour combler le surendettement. Partant, c'est du bifton, filons avant d'être grillé. Agissons, perçons la mêlée et fais ton million. On est jamais sûr de rien, vu que l'avenir est incertain. Lâche rien, même en chien, blague tout ce qu'on a en tête. Ouais, les frères, esquiver l'enfer ou la prison ferme. Pour que leur merde on enterre, blague tout ce qu'on a en tête. On mène nos propres guerres pour que nos mères soient fières. Décalage contre des pierres, blague tout ce qu'on a en tête. On a la table, braille pour briller, gratte avant de griller. Collectionner les billets, blague tout ce qu'on a en tête. Des envies de meurtre sur la flicaille. Juger le procureur, aucun détail. Quand c'est payé à ternir nos vies, boum, ça mitraille. Envie de crailler, plus que d'habitude, car le manque de thunes nous a broyé. Ainsi l'attitude change, une multitude de risques, ça paraît étrange. L'économie parallèle, aucun problème, donc on s'arrange. Pas son temps à vivre dans le danger. Certes les parents flippent, car les flics voudraient tous nous crocheter. Tu vois la merde, pris par le désir de vouloir se mettre au vert. Par divers procédés, pour étancher la soif avant 40 balais. Tu vois le boulot, durcis sur les reins, sans compter les chiens qui s'y mettent sur notre chemin. Tu vois bien que c'est mal paré, mais paré pour arriver au gain, fais chauffer la gomme. Certains disent j'ai un grain, mais ne voient rien, voilà pourquoi je grogne. Si je cause du mal, excuse toutes mes manières. Ma matière grise cogite pour franchir les barrières. Ce que j'ai dans la tête, c'est bad, c'est pas net. Skakoka dans ma netka, la cervelle dans les coronesses. Pour être honnête, j'aime pas l'état, car au pas ils veulent me mettre. Au heps aussi, mais je garde la maîtrise de moi-même. Comme la procrotière des tiges du sursis, je détaille ma quête plate pour survivre. Ici, je pose quelques surmeux de ma zermie. Sûrement que ça ira mieux, mange, dis que je mange un bif. Chat et que j'oublie mes soucis, mais pas mes soufis. Coussi, ça sent le roussi, tu t'en manges 6. Parfois tes frères deviennent des traîtres pour 6 sous. Si peu que ça, c'est bête, mais c'est ainsi qu'ils veulent. On pense dans nos têtes, qu'on les aide à nous finir dans notre espèce. Pisse sur la France qui chaque jour nous blesse. Bande de bâtards, sale bâtard. On n'est jamais sûr de rien, vu que l'avenir est incertain. Lâche rien, même en chien, blague tout ce qu'on a en tête. Ouais, les frères, esquiver l'enfer ou la prison ferme. Pour que leur merde on enterre, blague tout ce qu'on a en tête. On mène nos propres guerres pour que nos mères soient fières. Décalage contre des pierres, blague tout ce qu'on a en tête. On a la table, braille pour briller, gratte avant de griller. Collectionner les billets, blague tout ce qu'on a en tête, frère. Horizon gigantesque dans un si petit être. De nombreux têtes font tant nos contextes, font tant nos contestes. S'inquiète, s'inquiète pour ses frères. Dans cette guerre où le respect se perd, où tous les terres s'empiètent. Déjà qu'à tout moment la mort quête. Mais qui s'en inquiète, ça passe du top à l'obsolète. Le temps d'un geste, temps indigeste pour l'indigène. Mais est-ce nos fautes si l'indigène? Mon cri, mon thème, des crises en thème. Des cris, des vies grisantes à terme qui défilent. Bienvenue dans le monde moderne, la crème de l'extrême. Horizon, vision gigantesque. Dans un si petit être. Connex, empathique, connex, empathique. Putain, ouais, la belle. Oh, ok. 9, 2, 9, 3, 5. M-A-S-T, Maro, TK, A-P-H-A-Z-Y, Incorrop, Tricorp, sale. Ok, c'est où L-O-M-P-U-S, frère? Ah ouais. Ouais, on est là, quoi. Tu sais pas tout ce qu'on a en tête, non? Tu sais pas tout ce qu'on a en tête, non? Sale.